Les tombes se levaient au milieu des arbres, colonnes brisées, pyramides, temples, dolmens, obélisques, caveaux étrusques à portes de bronze. On apercevait dans quelques-uns des espèces de boudoirs funèbres avec des fauteuils rustiques et des pliants. Des toiles d'araignées pendaient comme des haillons aux chaînettes et des urnes, et de la poussière couvrait les bouquets de rubans de satin et des crucifix. Partout, entre les balustres, sur les tombeaux, des couronnes d'immortelles et des chandeliers, des vases, des fleurs, des disques noirs rehaussés de lettres d'or, des statuettes de plâtre. Petits garçons et petites demoiselles, ou petits anges tenus en l'air par un fil de laiton. Plusieurs même ont un toit de zinc sur la tête. D'énormes câbles en verre filé, noir, blanc et azur, descendent du haut des stèles jusqu'au pied des dalles avec de longs replis comme des boas. Le soleil frappant dessus les faisait scintiller entre les croix de bois noir. Et le corbillard s'avançait dans les grands chemins qui sont pavés comme les rues d'une ville. De temps à autre, les essieux claquaient. Des femmes à genoux, la robe traînant dans l'herbe, parlaient doucement aux morts. Des fumignons blanchâtres sortaient de la verdure des ifs. C'étaient des offrandes abandonnées, des débris que l'on blurait. La fosse de M. d'Ambreuse était dans le voisinage de Manuel et de Benjamin Constant. Le terrain dévale en cet endroit par une pente abrupte. On a sous les pieds des sommets d'arbres verts. Plus loin, des cheminées de pompes à feu, puis toute la grande ville. Frédéric put admirer le paysage pendant qu'on prononçait les discours. Le premier fut au nom de la Chambre des députés, le deuxième au nom du Conseil général de l'Aube, le troisième au nom de la Société houillère de Saône-et-Loire, le quatrième au nom de la Société d'agriculture de Lyonne. Il y en eut un autre au nom d'une société philanthropique. Enfin, on s'en allait lorsqu'un inconnu se mit à lire un sixième discours au nom de la Société des antiquaires d'Amiens. Et tous profitèrent de l'occasion pour tonner contre le socialisme, dont M. d'Ambroise était mort victime. C'était le spectacle de l'anarchie et son dévouement à l'ordre qui avait abrégé ses jours. On exalta ses lumières, sa probité, sa générosité et même son mutisme comme représentant du peuple, car, s'il n'était pas orateur, il possédait en revanche ses qualités solides, mille fois préférables, etc., avec tous les mots qu'il faut dire. Fin prématurée, regrets éternels, l'autre patrie. Adieu, ou plutôt non, au revoir. La terre, mêlée de cailloux, retomba, et il ne devait plus à notre question dans le monde.